Media Sound Massif. D'ailleurs, ouais, quand le MC prénommé la DDS est dans la place, et on parle de Foundation, nous présente. Écoutez, yo, palais, ils veulent te placer dans leur game. Ça fait longtemps qu'on les paye à dans les sound systems. Parole à yo, pas j'ai guéri, aucun problème. Ça qui d'accord, la branche en l'air, rom, pom, pom. Écoutez, yo, palais, ils veulent te placer dans leur game. Ça fait longtemps qu'on les paye à dans les sound systems. Parole à yo, pas j'ai guéri, aucun problème. Ça qui d'accord, la branche en l'air, rom, pom, pom. Fidèle au bloc de béton comme ma fidèle au bloc de shita. Devrait être réciproque mais ici il se mérita. On se trompe de guerre et voilà ce que l'on hérita. Ce sont les mêmes qui triment et les mêmes qui s'abrita. Plus de force et de pêche pour tous ceux qui militent. De sagesse, de hauteur pour tous ceux qui méditent. Moins de faute, de douleur, de souffrance pour la suite. On s'auto-détruit et Babylone en profite. Mais dans leur mépris ils ne savent pas qui résiste. Ils vont jusqu'à te bluffer pour stopper ta réussite. Ils vont jusqu'à te charmer pour que ta vie s'effrite. Et Wubwai ne te laisse pas faire parce que le mal te piste. Et yo palais, ils veulent te placer dans leur game. Ça fait longtemps qu'on les paille dans les sound systems. Parole à yo, pas j'en guéri, aucun problème. Tout ça qui t'apprend, la branche en l'air, bam, bam, bam. Et yo palais, ils veulent te placer dans leur game. Ça fait longtemps qu'on les paille dans les sound systems. C'est dans l'atmosphère, c'est mystique et ça plane. C'est mystique et dans l'atmosphère, ça plane. Car ils aiment crier l'info, crier l'intox. Trop de bavards, trop d'équivoques. Politique buzz, dans la provoque. Les mêmes qui bloquent, les mêmes qui croquent. Le genou à terre, mais de qui tu te moques. Les mêmes problèmes que l'on évoque. Toujours les mêmes qui baissent leur front. Que donne le micro, moi je les smoke. Ils veulent te placer dans leur game. Ça fait longtemps qu'on les paille dans les sound systems. Parole à yo, pas j'en guéri, aucun problème. Ça qui d'accord, la branche en l'air, bam, bam, bam. Et yo parlé, ils veulent te placer dans leur game. Ça fait longtemps qu'on les paille dans les sound systems. Parole à yo, pas j'en guéri, aucun problème. Ça qui d'accord, la branche en l'air, bam, bam, bam. Ma musique m'a libéré dans le coin de ma rue. Sur les oreilles, moi leur loi, je ne les entends plus. Ils voulaient éteindre la flamme comme s'ils avaient pu. Mais ce soir, derrière le microphone, je viens pour réclamer mon Dieu. Elle résonne pour Faya, Babylone, Fayo, Savio, Pégé, j'en contrôle. Dévoile son histoire derrière le rythme, la clé de soul. Laissez jouer le reggae, la colline.